tombe, je te finis du sombre et je souris du cri. Je t'assourdis du gis, j'attends que tu pourrisses. Je ne bois pas vin blanc ou vin rouge, c'est plutôt poche de sang liquide de fausse couche. Oui, le placenta j'aime, le magenta j'coup. Près tes 5 doigts sans faire une tache. J'ai la laine de cadavre, j'm'habille en Prada. J'te ferai un dégradé, le crâne découpé. J'suis cradé, j'débloque, c'est moi qui viens sonner la cloche. J'prends du plaisir à égorger les moches, car leur puce tu m'implores des scrupules. Plus je frappe fort, plus je vois des globules. J'ai la mort dans la peau, la vengeance dans les côtes, les amis dans le dos, les ennemis sont les autres. Ce n'est pas une haine, mais une jouissance. Mettre un terme à une existence. Je suis possédé, voire obsédé. J'ai le procédé qui jauge les démons. Les aider montre que le silence a lâché des noms. Si le diable est un blasphème, que Dieu nous dénonce. Qu'il vienne et puis qu'il démontre. Moi j'ai la réponse. La vie est une maladie que la mort estompe.